cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم وقال رحمه الله وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ بل يجوز أن يخفى أو يخفى عليه بعض علم الشريعة. شيخ الإسلام et continue رحمة الله عليه de nous montrer ce qu'est le wali. Et parmi les conditions du wali, كما قد يفهم البعض, certaines personnes ils peuvent penser que le wali il peut pas se tromper. Hada c'est pas savoir. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il montre annahu c'est pas une condition. Annahu la yaghlat wa la yukhti. Bal yajuz. Bal c'est possible et il se trompe. Le wali il peut se tromper et il se trompe, il y a aucun doute sur hada. Qala wa yajuz an yashtabi alayhi ba'd umur ad-din. Na'am yajuz huna. Aïe, ça arrive qu'il se trompe, ça arrive qu'il oublie, ça arrive qu'il ne comprend pas, ça arrive qu'il mélange certaines choses. قَالَ وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ وَلِيُّ اللَّهِ يَجُوز أَنْ يَغْلَطْ لَمْ يَجِبْ عَلَى النَّاسِ الْإِيمَانِ بِجَمِيعْ مَا يَقُولُهُ مَنْ هُوَ وَلِيٌّ لِلَّهِ لِأَلَّا يَكُونَ نَبِيًّا. طيب, ça c'est une des différences. C'est une des différences entre الولي والنبي. Amma an-nabi, on est obligé de croire à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il nous rapporte. Li'annahu, c'est un nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui révèle, il reçoit la révélation. Amma al-wali fala. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exagérer sur un wali, une personne pieuse, un savant. On n'a pas le droit d'exagérer hatta son qawl ka'annahu c'est une vérité absolue. Hada la yajuz. Son qawl wali au savant par rapport aux preuves. Si il est appuyé par une preuve, alhamdulillah, s'il n'est pas appuyé par une preuve, c'est pas une preuve. La parole du savant du wali, c'est pas une preuve en elle-même. C'est ça qu'il veut nous démontrer, cheikh l'islam. قال بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله. Donc la parole de ce savant, de ce wali, toute personne autre que le prophète صلى الله عليه وسلم, sa parole تعرض ala al-adilla. On regarde par rapport au délit. Si elle ne contredit pas le délit, falhamdulillah. Si elle contredit un délit, on ne l'accepte pas. Qala wa illam ya'lam am wafiq am huwa am mukhalif. Hada al-qawl tawaqqafa fi. Une autre situation, tu ne sais pas. Tu ne sais pas est-ce que cette parole elle est appuyée par un délit ou la. Tu as un doute. Fa fi hada al-hal tatawaqqaf. Tu ne tranches pas, fi hadal hal. Tu n'as pas le droit de parler sans ilm. Fi hadal hal, tu reviens à ahl al-ilm. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Hakada qala azza wa jalla. Si on ne sait pas, on revient à ahl al-ilm. Ya sheikh, mada taqul fi kada. Ah, sheikh, j'ai entendu ou j'ai lu dans un livre telle chose. Est-ce que c'est sawab? Et le sheikh, il va te répondre, incha'Allah ta'ala. Enfin, tu as trois cas. Imma, la parole, elle est appuyée par un délit. Alhamdulillah, on accepte la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur un délit. Imma, la parole, elle contredit un délit. Et cette contradiction, on a déjà expliqué, si c'est un savant de la sunna, il ne va pas contredire volontairement les textes. Là, lakin, il peut oublier, il peut se tromper. Il a arrêté. Donc, fi hadha al-hal, on n'accepte pas la parole. Et si c'est un savant de la sunna, on l'aime, on le respecte, etc. Et incha'Allah, il est récompensé, même s'il s'est trompé. Troisième cas, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'elle est appuyée par un dalil amla, on a un doute, on est ignorant sur le sujet, fi hada al-hal, on demande. Fa inna shifa al-'i as-su'al, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui veut régler quelque chose, un défaut, un problème, la solution c'est la question, poser une question. قال والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط. Les gens, ils sont de trois catégories dans ce sujet. À deux extrémités, un juste milieu. قال فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. Première catégorie, ils exagèrent. Tout ce qui dit ce wali, il l'accepte. Et il pense, il a la conviction que c'est haq. Pourquoi? لأن pour lui, comme قال هنا, ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه. أي كأنه يغصوى

Ha'oula, Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a favorisés, il leur a donné de ses bienfaits, jalla wa ala. Min al-nabiyyin, c'est le plus haut degré. Al-anbiya, al-rusul. Was-siddiqin, les véridiques. Was-shuhada, les martyrs. Was-salihin, les gens pieux. Wa-hasuna ula'ika rafiqa. Qala wa lahumul karamat allati yukrimu Allahu biha awliya'ahu al-muttaqin. Qala wa khiyaru awliya'illah karamatuhum lahujjatun fi al-din. أو لحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أهم شيء سكسويف النبي صلى الله عليه وسلم et un نبي صلى الله عليه وسلم dans certains livres ils ont rassemblé ces معجزات et des miracles qui sont arrivés au prophète صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة قال ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجاته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك طيب هذا كلام جميل أن المعجزة أو الكرامة plutôt لأن بعضهم يفرق المعجزة pour le Nabi et pour le Rasul et الكرامة pour الأولياء donc الكرامة قد تكون par rapport à cette personne ربما elle a des faiblesses elle a un manque dans certaines choses فالله سبحانه وتعالى lui facilite telle chose c'est une كرامة un autre qui a de la قوة il a de la force dans certaines choses il n'a pas besoin de cette كرامة donc il ne l'a pas donc ça ne veut pas dire que celui qui a une كرامة qui fait quelque chose qui sort de l'ordinaire il est forcément meilleur qu'un autre لا c'est par rapport au tawhid par rapport à la sincérité par rapport au suivi قال فلا يأتي مثل ذلك لعلو درجته وغنى عنها لا لنقص ولايته ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة c'est pour ça que الكرامات في زمن التابعين elles étaient beaucoup plus nombreuses que في زمن الصحابة alors que الصحابة ils sont meilleurs que التابعين بالإجمع il n'y a aucun doute أن الصحابة Ils ont pris directement l'ilm à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après eux. Pourtant, les karamat, elles étaient plus nombreuses après les sahaba. Donc ça te montre que ce n'est pas ça qui élève la personne. Ce qui élève la personne, c'est l'ilm. C'est l'iman, c'est l'ikhlas, c'est le taqwa. Et ahyana na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne telle chose à qui il veut, subhanahu. Qala, bi khilaf ma yajri ala yadayh. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف ما يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام شيخ الإسلام يكونكلو أن les gens par rapport aux خوارق أي les choses qui sortent de l'ordinaire les miracles, les karamat trois catégories قال قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له من عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء ça c'est une catégorie أنه il croit pas en ses caramètes sauf dans certains cas deuxième cas ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله Deuxième catégorie, Anna, à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a ce qui fait une chose qui sort de l'ordinaire, un miracle, il pense que c'est un wali. Et ça, c'est une erreur. On a dit, ça peut venir des shayatin, ça peut être des kuffars, ça peut être des innovateurs, etc. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. هذا سيغرام انهم يبونس ك المشركين من اهل الكتاب وغيرهم انهم سيد اولياء فهذا سان قول خطير دونك بروميير قسم انه الى ان مانك في هذا دوزيام قسم ايز اكزاجير ثالثيام قسم قال والصواب القول الثالث وهو ان معهم من ينصرهم من جنسهم لا من اولياء الله عز وجل قال وفيما نقل كفايه اي شغل الاسلام إن شاء الله تعالى ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل والله الموفق كلام طيب دو شيخ الإسلام son livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان C'est une référence. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité certains passages ici. On n'a pas tout détaillé, nous, mais ما قرأناه وفصلناه إن شاء الله يا فيه كفاية. فهذا هو الأصل الخامس. بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريق بينهم وبين المتشبهين من بين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. Donc le wali, c'est chaque mu'min, c'est un wali. Et par rapport à son iman, par rapport à son suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, par rapport à sa sincérité, إن شاء الله il sera élevé en degré fi dunya wal akhirah. Donc al-wali, c'est pas celui qui fait des miracles ou il a une tenue vestimentaire spécifique. Là, al-wali c'est al-mu'min. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et notre comportement avec l'awliya, c'est on doit les aimer. Lian al-mu'minuna ikhwa. Et on doit s'entraider fi ta'atillah azza wa jalla. Et on doit avoir la conviction que c'est pas des nabis, c'est pas des anbiya, pas l'anbiya afdal bilijma'. كذلك on doit avoir un comportement annahum, si ils parlent, c'est pas forcément la vérité qu'ils disent. S'ils se trompent, on doit délaisser l'erreur. Et si c'est des savants de la sunna, des mujtahidoun, on a la conviction annahum, ils sont récompensés même s'ils se trompent. Amma l'erreur fa ala kulli hal, elle est pas acceptée. Hada khulasat hada al-asl العظيم الأصل الخامس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.